Voici quatre contes de Charles Deleuze, extrait du livre Les Contes de la Nuit, édité en 2019, lu par Charles Deleuze pour audiocité.net, audiolivre gratuit, enregistré en 2020. Le Prince Lune. Il était une fois un prince, appelé le Prince Lune, car il était seul comme la lune. Mais il oubliait les étoiles, tous ceux qui auraient pu être autour de lui. Son seul ami, le magicien, exauçait tous ses vœux grâce à sa magie. Le prince n'avait donc besoin de personne. Mais il s'ennuyait. Alors il décida de voyager. Il rencontra tous ces gens qui étaient loin, mais si proches, sortes d'étoiles de la lune. Il comprit les métiers, les gens, les passions. Avoir tout ne suffit pas, se dit-il. Il faut aussi partager tous ces moments de la journée. Il retourna voir son ami le magicien. « Tu es mon meilleur ami, et le seul, mais je dois vivre au milieu des autres. Je vais donc être un prince, mais celui qu'on voit au réveil, le jour. » Il fit tant et si bien que son nom fut connu dans tout le royaume. Il n'est plus le prince lune, il est celui des étoiles. La chaumière qui siffle. Il y avait une vieille chaumière. Plus personne n'y vivait. Cependant, elle sifflait. Pourquoi? Comment était-ce possible? Personne ne le savait. Une petite fille voulut voir. Et comme d'autres, elle ne vit rien dedans, mais entendait de dehors. Ce n'était pas tout le temps. Ça sifflait quelques minutes. Cependant, la petite fille vit un jour une lumière. Elle voulut savoir et entra. Quelle ne fut sa surprise de voir un train dans le hall qui sifflait à tue-tête. « Je suis le conducteur de la nuit, » dit un petit homme sortant de la locomotive. « Viens avec moi, nous voyagerons dans les mondes. »« Retour pour le goûter, » dit-il en souriant. Elle prit une grande bouffée d'air et le suivit. Elle découvrit plein de mondes remplis de magie. Puis il fallut revenir. « Quand te reverrai-je » dit-elle au petit homme. « Je ne reviendrai plus, car tu es maintenant trop grande. Mais je resterai dans ton souvenir. » Et il partit. Il ne revint jamais. Mais la petite fille qui grandit siffle toujours un air, celui du train de la chaumière. Le Père Noël nuage. Bien loin, dans un lieu tenu secret, vit un homme spécial, qui voyage une fois l'an, le Père Noël. Or, le Père Noël n'a plus de traîneau, cassé lors d'un entraînement avec ses reines. Comment va-t-il faire? Tant de cadeaux à distribuer. Il demande conseil au lutin, mais rien n'y fait. Beaucoup de solutions, mais aucune ne le satisfait. Pas la fée qui habite au pôle sud. Il lui envoie un mot. Voilà la fée arrivée. Que me veux-tu, Père Noël? N'es-tu pas en train de préparer tes cadeaux, ceux pour les enfants du monde entier? Dit-elle. Je n'ai plus de traîneau magique et mes reines sont fatiguées. Aurais-tu une idée? Va sur la grande montagne, cherche un nuage et jette dessus cette poussière, lui dit-elle en lui donnant un sachet. Il y alla, mais ne trouva pas de nuage. Que vais-je faire? Comment sauver Noël? Alors il sortit son appeau. Pourquoi pas, se dit-il. Et il souffla. Et le vent aussi, car c'était un appeau magique. Ce qui poussa les nuages vers la grande montagne. Et sur l'un d'eux, mit la poussière. Elle aussi était magique. Le nuage prit la forme d'un traîneau. Le Père Noël sauta dessus et le dirigea vers son atelier. Noël était sauvé. Avant de partir pour sa tournée, il vit un mot sur la table. C'était la fée. Ce sort est temporaire, comme les Noëls. Il disparaîtra avec le nuage le lendemain. Mais cela suffira bien. Vous aurez un an pour un nouveau traîneau. C'est mon cadeau de Noël. Il prit le mot dans sa poche et le cadeau dans son cœur. Puis il ferma la porte. Noël commençait. Chevalier quatre pieds. Il y avait, il y a bien longtemps, un chevalier qui ne quittait jamais son cheval, sauf pour dormir et se restaurer. On l'appelait le chevalier quatre pieds, car seules les jambes de son cheval étaient visibles. Des gens lui faisaient remarquer que ce n'était pas une chaise ou un fauteuil. Mais rien n'y fit. Son père lui dit « Va au château rapporter cette vaisselle que le roi mon ami m'a prêtée. » Il y alla, passa devant les gardes, puis les écuries, ensuite devant les serviteurs. Mais il ne descendit pas. « Voici la vaisselle prêtée par le roi. Je vous la rends. »« Merci à vous !» dit une voix derrière lui. C'était la princesse, mais il ne la vit qu'après, quand elle contourna le cheval. Elle était très belle. Le chevalier tomba amoureux à sa vue, tant et si bien qu'il descendit de cheval. « Merci à vous, » dit-elle à nouveau, « car vous êtes connu pour rester toujours en haut. »« Pour gagner ma main, gagne le tournoi, » dit-elle avec un sourire. Ni une ni deux, il y alla, mais cette fois, il resta bien en selle. « Tu ne tombes jamais ?» lui demanda le roi, impressionné par ses victoires. « Jamais, » dit-il, « sauf pour une. » Et il mit pied à terre devant la princesse. « Je te donne sa main, puisque tu lui donnes ton cœur, » répondit le roi. Les noces furent grandioses. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants, ou de deux pieds, c'est selon.